Eh bien, bonjour à tous, merci d'être fidèles à Radio Fadjet et bienvenue pour ce nouveau numéro de la boîte à BO, ce premier numéro de la boîte à BO pour l'année 2022. Et au nom de toute l'équipe, eh bien, on vous souhaite une excellente année 2022. Et Francine, fidèle au poste, bonjour. Bonjour et eh bien, meilleurs vœux à tous, oui, bonne année. Oui, meilleurs vœux à toi Francine, merci, avec plein de bonnes aussi, choses Jérôme. Pour cette nouvelle année. Et puis pour nous, bien sûr, de belles boîtes à BO qui Tout vont se fait. Succéder au cours de cette nouvelle année. Alors, que nous réserve-t-on cette semaine, Francine? Eh bien, au programme aujourd'hui, nous retrouverez nos rubriques habituelles avec des films tels que Le Seigneur des Anneaux, Ghostbusters, mais aussi Les Demoiselles de Rochefort ou Un été 42 pour un coup de projecteur sur Michel Legrand. Parfait, Francine. Eh bien, retrouvons-nous dans quelques instants pour cette très belle programmation. Alors Francine, commençons comme d'habitude par notre traditionnelle première séquence avec la séquence BO culte avec Le Seigneur des Anneaux, un film réalisé en 2001 par Peter Jackson avec une musique composée par Howard Shore. Alors si du Seigneur des Anneaux on retient plus volontiers la réalisation de Peter Jackson, eh bien les performances bien sûr des acteurs et les lieux de tournage incontournables, il ne faut pourtant pas oublier les compositions de Howard Shore pour la bande originale sans qui les films auraient été beaucoup moins réussis. Alors d'ailleurs sa prestation lui a valu 2 Oscars, donc pour La Communauté de l'Anneau et Le Retour du Roi. Alors je ne connais pas ce compositeur de musique de film, donc quels sont ses autres BO? Ah oui Francine, on n'en entend pas beaucoup parler de ce compositeur canadien, pourtant on lui doit la BO de la plupart des films de David Cronenberg comme Faux Semblant, mais aussi du film de David Fincher, donc Seven, ou un registre plus léger, Madame Doubtfire. Alors retrouvons un extrait de ce premier volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux avec un résultat jouissif rivalisant avec les BO de John Williams niveau thème, tant la musique est en symbiose avec son sujet. La BO de La Communauté de l'Anneau peut facilement rentrer au panthéon vraiment des plus grandes BO jamais composées. C'est vraiment inoubliable. Alors retrouvons tout de suite la BO de ce film. Thank you. Alors après le Seigneur des Anneaux, on va passer à la BO en chanson, quand la chanson devient la BO célèbre d'un film avec Ghostbusters. La chanson éponyme du film Ghostbusters, en français SOS Fantôme, sortie en 1984, fait la part belle aux années 80. Mélodie, synthétiseur, son, composé par Ray Parker Jr., le titre a été vendu à plus de 27 millions d'exemplaires. Ivan Reitman, le réalisateur de SOS Fantôme, tenait à ce que le titre du film figure dans la chanson phare. Or, écrire un morceau qui parle de chasseurs de fantômes n'a pas été une mince affaire pour Ray Parker Jr. La chanson à succès sera même nominée aux Oscars dans la catégorie meilleure chanson originale, mais sera finalement battue par le titre « I just called to say I love you » de Stevie Wonder. Alors, sais-tu, Francine, que Ray Parker Jr. a passé un accord secret à l'époque avec A. Lewis, qui l'accusait d'avoir plagié quelques notes de son titre « I want a new drug », dont je te propose d'écouter tout de suite un court extrait. En effet, on retrouve quelques similitudes, comme vous allez pouvoir le constater maintenant en écoutant la BO de Ghostbusters. Just want some more. I think you better call Ghostbusters. Ow! better call Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. I can't be. Voilà, c'était Ray Parker Jr. pour la BO en chanson avec le film Ghostbusters. Vous êtes bien sur Radio Fadjet pour la boîte à BO. On continue donc cette première boîte à BO de l'année 2022 avec BO film d'animation, avec Le Vent se lève, la douce mélodie qui s'envole, avec une musique composée par Joe Hisashi qui retrouve le réalisateur Miyazaki pour leur 10e collaboration. Et celle-ci est encore une fois réussie. La mélancolie et la douceur accompagnées d'un choix de sonorité et d'instruments qui font écho au propos du film. Ce film, Le Vent se lève, un des moins connus du studio Ghibli, raconte l'histoire de Jiro Horikoshi, un jeune ingénieur en aéronautique qui tombe amoureux d'une femme condamnée par la maladie et confrontée aux conditions de vie du Japon d'avant-guerre. Toujours aussi touchant, Joe Hisashi sait faire virevolter les notes comme les avions du film, parfois grandioses, parfois minimalistes. Un véritable régal auditif pour un film qui gagnerait à être connu. Je vous propose donc tout de suite d'écouter la BO de ce film, Le Vent se lève.

Alors, comme tu l'as souligné tout à l'heure, Francine, Michel Legrand va glaner en effet 3 Oscars, hein, et notamment pour l'été 42 avec son fameux thème « The Summer Now », interprété donc par Barbara Streisand, avec laquelle Hollywood le récompensera de nouveau en 1983 avec la BO de Yentl. Alors, retrouvons sans plus tarder cette merveilleuse musique donc d'un été 42. Alors, passons à la BO coup de cœur maintenant avec la BO signée Michael Nyman pour la leçon de piano. Alors, réalisée par Jane Campion, la leçon de piano est un chef-d'œuvre de 1993 qui a reçu de nombreuses récompenses, comme par exemple l'Oscar du meilleur film ou la Palme d'or à Cannes. Donc, la musique composée par Michael Nyman contribue à sublimer l'histoire de cette femme et de sa fille de 9 ans, jouée par la toute jeune Anna Paquin. Au XIXe siècle, une jeune femme muette, Ada, emménage en Nouvelle-Zélande pour y épouser un colon qu'elle ne connaît pas sur ordre de son père. La musique joue un rôle prépondérant car le piano dada représente ses pensées et émotions étant incapable d'utiliser sa voix. Petite précision, Francine, la réalisatrice fut la première femme à obtenir la Palme d'Or lors du Festival de Cannes 93, décernée justement par le jury présidé par Louis Malle. Et l'actrice principale, donc Holly Hunter, y recevra de plus le prix d'interprétation féminine. Alors maintenant, oubliez tout et laissez-vous bercer par cette bande originale. C'est sur cette musique donc de la leçon de piano que la boîte à BO se termine. J'espère que cette émission donc vous a plu et que vous avez pris plaisir de découvrir, de réécouter certaines musiques de films. Alors n'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur le site Facebook de Fadjet et puis de nous laisser vous faire part de vos BO coup de cœur. Bien Francine, rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Jérôme. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à Radio Fadjet.